Thank you very much. Vibration, le magazine World Rap Jazz présente pour son nouveau numéro Chakademus and Players, le gospel selon Chakademus, l'interview exclusive pour leur nouvel album For Every Kind of People. Également dans ce numéro, The Roots, George Clinton, Alex Riss, Fotek, Spring Hill Jack et une cassette de titres collector de Murat remixé par Mighty Bop et DJ Cam. Vibration, le magazine World Rap Jazz en vente partout. Un petit caravane superbe, vous avez pu noter l'excellent violon de Geoffrey Richardson ainsi que le clavier trafiqué de Dave Sinclair. Voilà pour les petites vieilleries, histoire de se raviver la mémoire. On attaque tout de suite les nouveautés, il y en a une quantité industrielle. Tout de suite Gérard, on part donc au Japon. The Pendulum, c'est un nouvel album qui est heureusement pour nous édité par Musia. Je dis heureusement parce qu'on le trouve dans toutes les bonnes drogueries à un prix défiant toute concurrence. Enfin du progressif japonais à portée de bourse. Tout de suite donc Gérard de Pendulum. to space might pave the way for feeding children someday. Each of us is just a fragment of the total whole. Each of us is caught in the wheel that spins out of control. Will today be what you make some useful change? Our only hope is to think high. We're only here for a little while. The pendulum takes away the time. par tout artiste, Obélix. Tu es devenu fou. Moi? Fou? Oui, pourquoi veux-tu envahir le Gnome? Parce que mercredi 18 décembre, à la salle Rameau, notre père Uderzo présentera son dernier né. Ah, et on pourra voir le film après. Mais oui, en plus Brune t'offre des invitations, des bretelles, des porte-manteaux, des livres de cuisine. Mais ils sont fous ces Brunois. Ouais. Rendez-vous donc mercredi 18 décembre à 14h, salle Rameau, dans le premier. Avec tous les Gaulois, Astérix, Obélix, Idéfix, Assurantorix, Panoramix, Protix, Malcomix, Filmix. Époustouflant, l'album de Gérard de Pendulum. Époustouflant également ce premier album d'un nouveau groupe scandinave, Artension. Petit jeu de mots facile, mais sympathique quand même. Artension, Into the Eye of the Storm, dans l'œil du cyclone, tout de suite. C'est une publication de chez Roadrunner. Vous allez voir, ça flirte entre le bon vieux hard et le progressif, un peu à la manière de Deep Purple. Artension, tout de suite sur Bande à Part, l'émission du rock progressif.